Quatrième et dernier temps de notre série 1919, l'année de la paix. Aujourd'hui, le documentaire. Lundi, nous avons évoqué les conditions de négociation du traité de Versailles. Mardi, les questions économiques liées à la fin de la Première Guerre mondiale. Hier, les révolutions socialistes allemandes de 1918 et 1919. Et aujourd'hui, eh bien, le documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury s'attache à comprendre la popularité soudaine et étonnante pour nous aujourd'hui d'une figure qui est peut-être plus connue pour ses 14 points que pour toute autre action, celle du président des États-Unis Woodrow Wilson. Car son arrivée en Europe pour la conférence de la paix de Paris en décembre 1918 est salué par une population française en liesse qui crie « Vive Wilson ». Le documentaire de ce matin retrace ce moment Wilson qu'a connu la France avec les analyses d'Hélène Arter, André Caspi, Karl Bouchard et Jean-Michel Guilleux. C'est jusqu'à 10h ce matin dans la Fabrique de l'Histoire. Monsieur le Président, désarmé, un vieux poilu vous envoie cette carte, en marque de remerciement dû au grand apôtre de la paix. Après un heureux voyage à travers cette grande bleue où tant de crimes ont été commis pendant ces 4 années de guerre, j'espère, monsieur le président, que vous jugerez le Boche au prix qu'il mérite. Faut que ces brigands paient pour tous les braves soldats alliés, eux qui ont tant souffert, aussi pour les vieux que notre existence va être bien monotone. Que le bon Dieu vous protège, monsieur le président, et toute votre famille. Un poilu qui vous salue. Joseph Fez, 30 novembre 1918. Les Français, la paix et le président. Wilson à Paris, décembre 1918, juin 1919. Victor Massé de l'Épinay, Anne Fleury. Wilson va traverser la ville de Brest. Il arrive le 13 décembre, au début de l'après-midi, vers 15h, à bord de son navire qui l'amène des États-Unis. Et donc l'accueil est délirant, des banderoles, toute la ville pavoisée. Et déjà on sent la ferveur qui va accompagner Wilson tout au long de son trajet jusqu'à Paris. Un homme, enfin! Le peuple a pu acclamer ce matin, de toutes ses forces, un homme d'État digne de ce nom. Woodrow Wilson. Des yeux clairs, des traits accusés, au dessin net, et surtout, au-dessus des sourcils, un pli volontaire qui barre le front. Oh, ce pli! Comme l'on comprend la froide résolution qui rend cette grande âme maîtresse du corps qu'elle anime. Quelle force d'idéalisme il évoque, ce front vaste et aussi quelle volonté, méprisante et sereine. La foule maintenant. Mais est-ce qu'on décrit la mer? La foule énorme, mouvante, qui couvre tout de ses vagues puissantes, qui reflue, déborde, hurle, se donne tout entière en un cri délirant. Le président sort de la gare et aussitôt, d'un élan prodigieux, Paris se jette vers lui. Paris. Oui, mais aussi la France tout entière, la France frémissante d'espoir, la France qui ne connaissait Wilson que par la presse, mais qui sentait d'instinct en cet homme une grande âme vibrante, passionnée de justice et d'idéal. Le Populaire de Paris, 15 décembre 1918. Il faut rappeler aussi que c'est une des premières manifestations d'ampleur nationale depuis l'armistice, donc c'est une fête. C'est un samedi, l'arrivée de Wilson le 14 décembre, les écoliers de Paris ont eu congé cette journée-là, donc beaucoup d'enfants sont présents le long du parcours présidentiel. Et donc, Wilson arrive dans une ville qui est aux couleurs des États-Unis, avec des vives Wilson accrochées là, de part et d'autre des boulevards, et il arrive à la gare du Bois de Boulogne. Le cortège va par la suite se rendre à la place de l'Étoile et on va descendre évidemment les Champs-Élysées jusqu'au pont Alexandre III qu'on traverse. On va longer le quai d'Orsay puis on va retraverser la Seine au moment de la Concorde. Tout le long de la voie triomphale, des mutilés pleurent, regrettant que la grande voix d'humanité n'ait pas été écoutée plus tôt. Des femmes tendent des deux bras vers le ciel, de petits enfants, pour qu'ils voient Wilson. Et partout, c'est ainsi. Les innombrables nuances de sentiments du peuple parisien s'expriment à chaque groupe en des termes surprenants. C'est brave homme tout de même. Ça se voit. Tu sais qu'il a imposé la journée de 8 heures aux exploiteurs de son pays? Ouais. Et aussi qu'il a fait condamner à des centaines de millions de francs d'amende Rockefeller et les hommes des trusts. Il est riche? Bah non, il gagne 20 000 dollars par an. Bah zut alors, un Américain qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Et c'est justement le président. Ben vrai, il les a pas volés ces 20 000 dollars. On n'a pas les chiffres officiels, mais on peut estimer qu'il y a 1 million de Parisiens qui se sont déplacés sur le cortège du président Wilson. Wilson est en calèche, il est accompagné du président Poincaré. Et ce qui a frappé les contemporains, c'est aussi le sourire qu'il peut des fois décerner à ceux qui le regardent, qui sont très nombreux et qui espèrent tous capter son regard. Demandez le temps. Le temps, dernière édition. Monsieur Wilson a porté toute la responsabilité de l'effort américain. C'est à bon droit qu'il en personnifie aujourd'hui toute la grandeur. Au moment où il passe, nous voyons flotter dans notre mémoire ces statistiques qui confondaient l'imagination. 2 millions d'hommes, instruits, équipés et transportés en Europe par une nation qui ne possédait encore en mars 1917 qu'une armée de 130 000 hommes. L'humanité, demandez l'humanité. Nous saluons avec respect et sympathie le président Wilson, qui est entré dans cette guerre pour la terminer en faveur des peuples, et non à l'avantage des puissances industrielles et financières qui, dans tous les pays, en ont tiré de monstrueux profits. Nous saluons en Woodrow Wilson, le président d'une grande république et un citoyen du monde. Anatole France. Wilson verra et entendra parler des dévastations barbares des Allemands. L'action française. Wilson verra et entendra le cri douloureux de la terre française, de l'âme française meurtrie et saccagée par les Huns. Paris et la France acclament Wilson parce qu'ils ont confiance en lui. Les principes abstraits seraient peu de choses s'ils ne s'incarnaient dans un homme, dans un chef digne de ce nom. En voici un. Honneur au président Wilson. Léon Daudet. Demandez la croix. Notre hôte n'est pas seulement le représentant des États-Unis. De cette nation qui a si noblement prouvé sa reconnaissance pour les services autrefois rendus par les Lafayette et les Rochambeau, et dont l'aide puissante hâta la victoire des Alliés. Il est aussi la personnification de la liberté, du droit, de la justice. Ces trois facteurs sans lesquels aucune paix durable ne saurait exister. Hélène Arter. Aujourd'hui, nous avons l'habitude des voyages présidentiels américains. À l'époque, ce n'est pas du tout le cas, hein, puisqu'il faut attendre le président Roosevelt pour qu'il y ait le premier voyage d'un président américain à l'étranger. Nous sommes au tout début du XXe siècle. Et ce premier voyage se passe dans les Amériques, au Panama. On est sur le projet de construction du canal. Ce qui veut dire que lorsque Wilson arrive à Paris, c'est la première fois de l'histoire qu'un président américain traverse l'Atlantique et se rend dans un pays européen. Donc ça déjà, c'est une force symbolique extrêmement importante. Et du côté européen, il est accueilli par une partie de la population et de l'opinion comme celui qui va contribuer à trouver une sortie de paix qui va permettre d'éviter la guerre pour les années à venir. Donc un immense espoir dont est porteur Wilson, à travers ce qu'il représente, hein, le président d'une puissance qui a contribué très largement à la victoire des Alliés. Il ne faut pas oublier non plus que Wilson n'est pas que l'homme de la Première Guerre mondiale. C'est un président qui a été élu sur un programme progressiste, qui incarne aussi dans les milieux progressistes occidentaux cette idée, hein, notamment l'idée qu'il faut moraliser la société, qu'il faut voter des lois pour limiter le travail des enfants, limiter le travail des femmes. Et donc, il a aussi cette image au-delà de la contribution américaine à la guerre. Finalement, le wilsonisme permet de reconstituer, sur le plan de la politique intérieure, une forme d'unité au sein de milieux qui ont été quand même divisés pendant la guerre sur la conduite à adopter. Jean-Michel Guilleux. Les minoritaires socialistes ou les minoritaires à la CGT qui ne voulaient pas forcément cette guerre à outrance. Wilson apporte des formules qui sont celles qu'attendent justement les socialistes. Wilson a parlé avant même l'entrée en guerre des États-Unis d'une paix sans vainqueur ni vaincu, c'est-à-dire d'une paix juste, une paix qui rende possible la réconciliation après la guerre. Il reste dans des formules, mais qui ont à l'époque une répercussion mondiale, et notamment auprès des populations sous domination étrangère, au sein du monde colonial. Il y a une véritable adhésion à ce qu'on a appelé, l'historiographie a appelé le moment Wilson, où notamment les paroles d'autodétermination des peuples sont particulièrement importantes. Donc ce sont des formules qui plaisent aux socialistes, qui ne sont pas dupes sur le fait que Wilson est un grand bourgeois, mais qui voient dans son programme de politique étrangère, finalement, le seul programme qui puisse être appliqué après la guerre, puisque à cette guerre exceptionnelle, eh bien, doit succéder une ère nouvelle. 14 décembre 1918. Monsieur le Président, hier, au moment où vous arriviez en France, j'étais dans une chambre remplie de toutes les souffrances d'une femme qui met un enfant au monde. En voyant mon épouse bien-aimée, pâle et défaite sur son lit, en entendant ses plaintes que sa bouche, contractée par l'effort, n'arrivait pas à étouffer, je ne puis m'empêcher de penser que c'était là le spectacle résumé de tout ce que notre pauvre humanité venait de souffrir pendant plus de 4 ans. En rapprochant ces deux douleurs, celle de la mère et celle des hommes, je ne puis m'empêcher de croire que si l'humanité a souffert comme elle vient de le faire, c'est parce que va naître pour les peuples le régime du droit, et qu'une loi de la nature veut que toute naissance ait lieu au milieu de la souffrance et du sang versé. Votre arrivée en France nous donne l'espoir de ce prodigieux enfantement. Votre haute conscience et votre ferme volonté ne seront pas superflues pour en assurer la réalisation. Elles auront à lutter contre ceux qui, grisés par la victoire militaire, ne veulent pas aller plus loin et perdent de vue la signification de cette guerre. Pour nous, la victoire n'est pas un but, mais seulement un moyen d'arriver à l'abolition de la guerre, au désarmement universel. Oui, Monsieur le Président, pour que le monde ait enfin la paix, préparez-nous la paix. Pour que le petit enfant qui vient de naître, à l'heure où vous arriviez en France, ne périsse pas comme ses aînés sur les champs de carnage, préparez-nous la paix. Si je me suis permis de vous écrire cela, c'est parce que ce matin, ma femme qui, de son lit, entendait au loin les acclamations qui saluaient votre arrivée, a crié aussi « Vive Wilson !» Et jetant un regard tendre sur l'enfant qui dormait dans le berceau, elle m'a dit « Ce n'est pas assez de l'appeler Jean, nom de mon père qui a été tué près d'Arras. Appelons-le aussi Woodrow, comme le grand président des États-Unis. Notre désir le plus cher serait, Monsieur le Président, que vous fussiez le parrain du petit Jean Woodrow Mangeot, ou tout au moins que vous acceptiez de prendre sa naissance sous votre patronage. Mieux que de longs discours, cette pensée vous portera mon souhait de bienvenue et dira ce que nous attendons de votre participation aux conditions de paix pour le bonheur de l'humanité. Auguste Mangeot. Quand Wilson arrive à Brest d'abord, puis à Paris, oui, au milieu de décembre 1918, Karl Bouchard, qui les Français accueillent-ils exactement ? Ils accueillent quelqu'un qui a réussi à construire une image à travers la guerre, à travers ses discours de guerre, une image qui a été véhiculée notamment par le comité qu'il a mis en place 2 semaines après le début de l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917, qui s'appelle le Committee on Public Information, dont le rôle était double. D'une part, convaincre les Américains du bien fondé de l'intervention des États-Unis, et puis d'autre part, véhiculer en Europe et puis auprès des pays belligérants une image de l'Amérique. C'est un comité qui a été beaucoup étudié par la suite parce qu'on s'en est inspiré, notamment dans l'Italie fasciste et dans l'Allemagne nazie. On a essayé d'imiter, d'utiliser les méthodes du Committee on Public Information. Elles sont très efficaces. Alors on va, par exemple, fonder une maison de la presse américaine en France qui va relayer les informations du président. Puis moi, je l'ai remarqué à travers aussi l'étude dans les journaux. À partir d'avril 1917, les discours de Wilson sont systématiquement publiés dans les journaux dès le lendemain. Donc il y a tout un travail de traduction par exemple, qui est fait extrêmement rapidement. on va par la suite enrôler dans une certaine mesure des personnalités publiques françaises. Alors, ce sera le cas par exemple de certains professeurs de la Sorbonne qui vont recevoir un mandat qui est celui de diffuser les valeurs américaines. Alors on va leur donner du matériel, des textes de conférence, des cartes postales, des dossiers, et leur demander donc de transmettre ces paroles aux Français. Il y aura une série de conférences qui sera donnée à travers la France, notamment pour présenter les idées wilsoniennes, présenter les valeurs américaines. Ce qui fait que au moment où Wilson arrive en France, tout le monde le connaît. On sait qui il est, on a vu des photos, on a vu des affiches, on a vu des cartes postales, et on va connaître aussi une partie de son discours. Un exemple, c'est les fameux 14 points du président Wilson, janvier 1918. Une semaine après le discours de Wilson, il y a déjà 500 000 de copies des 14 points qui sont distribuées dans les tranchées sur le front français. Donc, on va aussi chercher à atteindre les poilus, les soldats dans les tranchées. Alors, que trouve-t-on dans ces 14 points, Hélène Arter? Beaucoup de choses et des éléments surtout de recomposition du monde. Hein. Alors, ça va être, par exemple, comment régler les litiges frontaliers en Europe. Ça occupe un certain nombre de points. Comment penser la diplomatie et notamment ne plus faire de diplomatie secrète, mais être dans une diplomatie ouverte, ce qui est quelque chose qui est extrêmement nouveau pour l'époque. Et bien sûr, une société des nations hein, qui va permettre à tous les pays libres, émancipés, de siéger dans cet organisme et de gérer les affaires du monde par la médiation, par la négociation, pour éviter la guerre. On voit bien que c'est un projet qui est extrêmement neuf et on comprend bien pourquoi ça a pu susciter autant d'enthousiasme chez les Européens lorsqu'ils apprennent cette nouvelle vision du monde qui est portée par les Américains. Wilson a été élu président des États-Unis en novembre 1912. André Caspi. Quand la guerre éclate en août 1914 en Europe, les Américains, et Wilson en particulier, sont extrêmement surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'après un siècle de paix relative, l'Europe éclate et tombe dans un conflit très difficile à comprendre lorsqu'on est aux États-Unis. Pour Wilson, comme pour beaucoup d'Américains, les deux camps présentent à la fois des côtés sympathiques et des côtés antipathiques. Donc, la conclusion à laquelle parvient Wilson, c'est qu'il faut rester neutre. Je cite les propos de Wilson, en acte et en pensée. Il considère que la guerre ne résout pas les problèmes et qu'il faut en somme la négociation et encore la négociation. Et c'est pour cela qu'entre 1914 et 1917, il envoie à plusieurs reprises son conseiller spécial, le colonel House, qui, entre nous soit dit, n'est pas plus colonel que vous et moi. C'est un titre honorifique qu'on donne dans les États du Sud. Il l'envoie en Europe pour essayer de rapprocher les deux camps. C'est-à-dire qu'au fond, la politique de Wilson pendant 3 ans, c'est une politique qui a pour but de rétablir la paix en Europe, parce que ça permet en somme aux États-Unis de continuer d'avoir des relations normales, et des relations commerciales avec chacun des belligérants. Et c'est une politique de neutralité qui est aussi favorable aux finances américaines, car les Européens en guerre achètent aux États-Unis et petit à petit, les investissements européens vont diminuer au point que, en 1917, un grand événement se produit dans l'histoire financière du monde, c'est que l'Europe n'est plus créancière des États-Unis, elle est désormais débitrice. Ça veut donc dire que l'Europe a acheté plus qu'elle n'a vendu et les États-Unis ont profité de la guerre de 1914 à 1917. Et en avril 1917, les États-Unis entrent en guerre à cause de la guerre sous-marine à outrance que déclenche l'Allemagne au début de l'année 17. À partir de cette entrée en guerre, comment est-ce que la conception de Wilson va évoluer jusqu'à l'armistice de novembre 18? Lorsque Wilson est réélu en novembre 1916, Il insiste sur le fait qu'il a gardé ses compatriotes en dehors de la guerre. « He kept us out of war ». Ça veut donc dire que les missions du colonel House n'ont pas abouti, certes, mais les États-Unis ont fait tout ce qu'ils ont pu pour rapprocher les belligérants. Seulement, en janvier 1917, les sous-marins allemands vont couler tous les navires qui approvisionnent les Européens et qui sont en provenance de l'Amérique. Dans ce cas, il n'y aura plus de commerce possible entre l'Amérique et l'Europe. Et pour Woodrow Wilson, c'est un acte de guerre parce que cela veut dire que désormais, il n'est plus possible d'être neutre. Il faut désormais que les États-Unis entrent en guerre, non pas simplement pour défendre la France ou la Grande-Bretagne, mais pour défendre leurs intérêts. Et leurs intérêts, c'est à la fois des intérêts commerciaux, des intérêts financiers et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est très important, des intérêts moraux. C'est-à-dire que dans l'esprit de Wilson, on entre en guerre pour défendre le droit des neutres. On défend, on se bat au nom des libertés. Et de toute façon, c'est uniquement ce but de guerre qui rend légitime la guerre pour les Américains. Ils n'auraient pas accepté de se battre pour une autre raison. Très vite, ce président qui s'est retrouvé contraint d'une certaine manière à faire la guerre, y voit l'opportunité finalement de recomposer l'ordre international selon des valeurs américaines. Et on voit bien ce glissement, hein, pour faire simple, depuis le XVIIe siècle, un ordre international autour des grandes puissances européennes qui serait recomposé et dans lequel désormais les États-Unis auraient voix égale, voire seraient le grand organisateur de ce nouvel ordre international. Et on voit très bien comment, très rapidement, cette réorganisation du monde va devenir un but de guerre central pour le président américain. On pense aux 14 points, hein, notamment, en oubliant d'ailleurs qu'il présente ces 14 points au monde sans avoir à aucun moment prévenu ou associé les Français et les Britanniques qui découvrent avec surprise cette initiative très unilatérale américaine. Et je trouve que c'est très symbolique parce que ça montre bien la nouvelle dynamique qui est à l'œuvre. On est associés, on a un ennemi commun qui est l'Allemagne, mais on a un but de guerre particulier qui est de contribuer à la réorganisation d'un nouvel ordre international autour des valeurs américaines et autour d'une puissance organisatrice qui serait les États-Unis. À cette époque-là, les Américains bénéficient d'une image très favorable. Ce sont des gens désintéressés, Wilson ne cesse pas de le dire. Ce sont des gens qui sont riches, qui donnent facilement de l'argent, non pas sur le plan d'État à État, mais sur le plan de particulier à particulier. Si vous allez dans le hall de la Sorbonne, vous verrez encore des plaques commémoratives qui remercient les Rockefeller, par exemple. Et Reims a été en partie reconstruite avec de l'argent américain. C'est-à-dire qu'au fond, les Américains apparaissent comme des membres de la famille, mais des membres de la famille qui ont bien réussi et qui savent partager les fruits de leur réussite. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que Wilson bénéficie d'une grande popularité dans la population française, beaucoup plus d'ailleurs que dans les milieux politiques, parce que Georges Clemenceau, qui connaissait très bien les États-Unis parce qu'il y a vécu d'ailleurs, Georges Clemenceau, lui, avait une image de Wilson qui était, disons, moins favorable. Pourquoi Wilson part-il en Europe au mois de décembre 1918 ? Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, tout d'abord, c'est que je vous rappelle que l'Allemagne demande l'armistice en s'adressant directement à Wilson. Elle ne s'adresse pas aux autres belligérants. Ça veut donc dire que Wilson jouit d'un prestige considérable aussi auprès des Allemands. Et ce que craint Wilson, c'est que s'il n'est pas présent, s'il ne joue pas un rôle capital dans les négociations d'abord et par la suite dans l'établissement d'un traité de paix, eh bien les vieilles lunes de la diplomatie européenne connaîtront une sorte de renouveau, C'est-à-dire que de nouveau, ça sera la politique de la puissance, de l'égoïsme. De nouveau, ce sera en somme une organisation internationale comparable à celle qui a abouti à la guerre de 1914, c'est-à-dire des alliances compliquées qui, en fin de compte, entraînent un conflit sans que cela soit précédé par une négociation, par une sorte de volonté de conserver la paix. Donc, il pense qu'il a un rôle essentiel à tenir. Et il s'imagine que ce rôle essentiel, lui seul, peut l'exercer. Georges Clemenceau disait que Wilson se prend un peu pour Jésus-Christ. On sait que Clemenceau a accueilli avec beaucoup de perplexité cette popularité wilsonienne en s'inquiétant que Wilson ait tellement de pouvoir sur les foules que Clemenceau n'ait plus la marge de manœuvre nécessaire pour négocier. Et ça a été une des armes wilsoniennes extrêmement efficaces, c'est de se représenter, et on le voit à travers des discours surtout de l'automne 1918, comme étant celui qui représente les intérêts de l'humanité. Et à un moment donné, dans un discours assez fameux, mais très peu étudié, en fait, de septembre 18, Wilson dit « Lorsque la paix arrivera, je négocierai et je suis celui qui va représenter le monde. Et si les États sont contre moi, ben ils seront contre l'humanité. » Et d'où ça lui vient, cette haute conception qu'il a de lui-même? Oui, on a beaucoup travaillé là-dessus. Vous savez, Freud a écrit un ouvrage même avec William Bullitt, l'ancien ambassadeur américain en France, sur la personnalité psychique de Wilson, fils de pasteur, très religieux, et qui a une conception très messianique de son rôle et de son mandat, pas simplement dans le cadre des négociations de paix, même pour changer le monde au quotidien. Tommy Wilson s'identifia à son père à un degré extraordinaire. Il ne pouvait concevoir d'homme plus parfait que lui. Le révérend Ruggles Wilson avait trouvé à s'exprimer totalement du haut de sa chair. Tommy Wilson trouva à s'exprimer totalement du haut d'une chair qui s'appelait la Maison Blanche. Son père n'avait pas l'habitude d'imaginer des méthodes pratiques pour transformer en faits réels les principes qu'il exposait en chair. Wilson n'imagina aucune méthode pratique pour transformer ses 14 points en faits réels. Le petit garçon qui levait les yeux vers un père en chair, qu'il considérait comme l'homme le plus beau du monde, et qui écoutait la parole de Dieu sortant de ses lèvres, pouvait difficilement éviter d'identifier son père au Tout-Puissant. Jusqu'à l'âge de 10 ans, lui-même fut l'unique fils bien-aimé de ce Dieu. Son identification au Sauveur de l'humanité, qui devint un trait si important et si évident de son caractère dans les dernières années de sa vie, semble avoir été la conclusion inévitable qui, dans ses premières années, se trouvait dans son inconscient. Si son père était Dieu, il était lui-même le Fils unique et bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ. Sigmund Freud et William Bullitt, le président Wilson, portrait psychologique. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de fondé dans cette lecture christique messianique que Wilson avait de lui-même? Alors, christique, c'est peut-être un peu exagéré. Messianique, je pense qu'elle est à deux niveaux. C'est-à-dire quand même que la philosophie politique des Américains, c'est le messianisme. Donc il y a cette idée qu'on se bat pour la liberté. La liberté est une chose qui existe aux États-Unis, et donc on se bat pour que les autres profitent des mêmes libertés que les Américains. Et quand on relit les discours de Wilson, cette idée revient comme un fil directeur. Et puis, il y a la personnalité de Wilson, hein, qui est un baptiste convaincu. Ça transparaît dans sa personnalité, dans son rapport aux autres, dans les négociations. Un homme politique européen a dit « Dieu a donné les 10 commandements, Wilson nous a donné les 14 points ». Donc la phrase dit bien ça, cette dimension qui est en recul hein, en Europe. Hein. Il faut se rappeler, la France, c'est la loi de 1905. Et donc, il y a un choc culturel pour les Américains de se confronter au mode de négociation européen, mais il y a aussi un choc pour les Européens de rencontrer une figure d'homme politique qui est somme toute assez banale pour un Américain, mais dont on imagine très bien qu'elle dénote face à un Lloyd George ou un Clemenceau. Monsieur le Président, excusez tout d'abord la liberté que je prends de vous écrire, mais si je le fais si simplement, c'est que dimanche, venu pour acclamer votre arrivée, j'ai vu votre sourire plein de bonté et que j'ai confiance en vous. Oui, j'ai confiance. Et il faut vraiment que ce sentiment domine en moi, car c'est une véritable confession que je viens vous faire, et si pénible. Je viens vous demander, monsieur le président, de m'aider de votre appui pour trouver une place où je gagne assez d'argent pour pouvoir subvenir aux soins de l'enfant que je vais mettre au monde d'ici à 2 mois. Ne croyez pas que je ne travaille pas déjà. Si, j'ai une bonne place dans une grande administration, mais de moi-même je vais être obligée de la quitter, de façon à ne pas être renvoyée dès que mon état se verra. Car je dois vous dire que je ne suis pas mariée. J'ai toujours mené une vie droite. Mais sur les insistances de mon fiancé qui repartait pour le front au mois de juin dernier et qui avait le pressentiment de sa fin, j'ai cédé. Que dois-je vous dire de plus? Mon fiancé est mort, quelques jours après sa rentrée de permission, sans savoir que notre geste avait des suites. J'espère en votre grande bonté, monsieur le président. C'est pour cela que je vous fais le grand aveu de ma faute. Personne au monde n'en sait rien, même pas ma mère, si bonne, car j'ai peur de lui faire de la peine. Elle n'en a que trop déjà par cette guerre. Elle a vu toute sa fortune s'engloutir, étant de Valenciennes, et je ne veux pas lui être à charge. C'est pourquoi je voudrais du travail assez rémunérateur qui me permette de faire quelques économies pour la venue de mon petit. Et si je viens à vous, c'est que j'ai peur de ne pas en trouver, car les femmes sont remplacées en ce moment. Et avec mon état, je suis plutôt faible, étant d'une santé très délicate. Encore une fois, monsieur le président, excusez-moi si je vous écris. J'avais pensé aller jusqu'à vous, mais j'ai réfléchi qu'on ne me laisserait pas passer. Et d'un autre côté, je n'ai que le samedi après-midi et le dimanche de libre. Et ces 2 jours-là, vous étiez si pris. Veuillez agréer, monsieur le président, mes hommages les plus respectueux. Mademoiselle Remond, 15 décembre 1918. Karl Bouchard, vous vous êtes plongé dans ces lettres au président Wilson et vous en avez fait un livre, « Cher monsieur le président ». Qu'est-ce qu'on écrit au président Wilson? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces lettres? Ce que j'ai essayé de voir, c'est dans quelle mesure cette image, l'image qu'on avait de Wilson, était multiforme. Et c'est effectivement le cas. Wilson est par moments un tout-puissant à qui on écrit pour demander toutes sortes de choses. C'est un homme auquel on se confie. C'est par moments aussi un homme d'État, un homme politique, à qui on peut parler de ses idées sur la paix, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui vont envoyer des projets, des réflexions sur la paix à Wilson. Donc, il y a vraiment différents personnages. Il est clair que, dans les premières semaines, les témoignages de reconnaissance, c'est véritablement la force de la Wilson Manie, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de lettres, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui écrivent, et on sait que les écoles françaises, par exemple, ont reçu une directive pour envoyer des lettres collectives à Wilson, donc on en retrouve plusieurs dans le corpus. On va avoir de tous les coins de la France, que ce soit des Cévennes, du Lot, de Bretagne, d'Alsace, dans l'Alsace libérée, des gens qui vont écrire à Wilson pour le remercier pour sa participation. Et puis, peu à peu, plus le temps passe, on s'aperçoit que les requêtes deviennent de plus en plus importantes. Et à travers ces requêtes, ce qu'on sent, c'est la misère aussi de la France et l'état des destructions. Donc, on va retrouver, à partir de janvier-février, beaucoup de lettres, par exemple, de réfugiés qui ont dû quitter le nord-est de la France à cause de l'occupation et qui sont complètement démunis. De très touchants témoignages, par exemple, d'agriculteurs qui racontent à Wilson qu'ils ont tout perdu, qu'ils sont retournés sur leur lieu d'avant-guerre pour s'apercevoir que leur ferme avait disparu, que la terre est impraticable et qui sont complètement dans le besoin, donc un dénuement les plus complets, et demandent à Wilson s'il peut faire quelque chose pour eux. L'avantage, c'est que Wilson peut, dans une certaine mesure, les aider. Il y a des œuvres américaines de charité, et l'équipe de Wilson va transmettre ses demandes souvent aux œuvres américaines. On essaie, dans une certaine mesure, d'aider ces gens dans le besoin. Même chose pour les enfants, par exemple, qui, pour Noël, demandent à Wilson, puisqu'il est capable de tout, de leur envoyer du chocolat, eh bien, l'équipe de Wilson se permet de répondre très gentiment, puis on envoie une boîte de chocolat. Donc, il est par moment aussi le Père Noël pour les enfants. On va retrouver des lettres de petits garçons qui disent « On m'a dit que vous arriviez avec un navire rempli de jouets pour les enfants, j'aimerais avoir un train et des soldats de plomb, s'il vous plaît. » Donc, il y a là toute une image là, d'hommes généreux, désintéressés, avec une réputation là, d'humanisme extraordinaire, qui fait qu'on pose ce geste qui est quand même assez exceptionnel, d'écrire à un homme politique, qui est déjà en soi exceptionnel, et là c'est écrire à un homme politique étranger, ce qui est encore plus fascinant dans ce contexte. 7 janvier 1919. Monsieur le Président, Le destin est tel que je ne peux prétendre à autre chose. Je suis un anonyme, perdu dans la foule qui vous acclame et vous souhaite la bienvenue. Un jour viendra qu'il faudra plus que des acclamations pour faire vivre la foi qui nous porte. Je crois nécessaire de déclarer solennellement que, à partir de ce jour, je suis prêt à me dévouer entièrement à votre cause. Corps et âme, comme on dit. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que des millions et des millions d'hommes sont prêts à faire ce même serment. Et mon souhait le plus cher serait qu'ils se réunissent au sein d'une franc-maçonnerie d'un genre nouveau, universelle, moderne, ouverte et bienveillante, les Wilsoniens. Je n'ai aucune autorité pour être aux sources d'une telle ligue, mais toute mon énergie se tournera désormais vers sa mise en œuvre. Je suis, Monsieur le Président, votre dévoué. César Enorsa. Pour moi, ce qu'on a oublié ou ce qu'on a négligé dans l'historiographie, c'est la force de cette émotion de 1919. C'est-à-dire qu'on a beau passer du temps dans les archives diplomatiques, regarder ce que disent les journaux, à travers des lettres comme celle-là, on sent une préoccupation qui atteint l'ensemble des sphères de la société. Donc, moi, quand je vois des ouvrières ou des personnes âgées écrire à Wilson et lui dire « on parle de vous au café, on a parlé de vous à la table au repas du soir, nous, les ouvrières, on a parlé lors de notre pause des moyens de mettre en place un ordre durable », ce que montrent ces lettres, c'est qu'il y a une réflexion générale autour de la paix, un véritable intérêt en 1919. Ce n'est pas simplement le monde politique qui est en effervescence, c'est suivi aussi par une opinion publique de façon extrêmement précise et extrêmement fidèle. Alors c'est quand même extraordinaire de se dire que cet homme politique a pu générer dans une certaine mesure des vocations. Donc je pense que négliger cette émotion de 1919, c'est dans une certaine mesure moins bien comprendre l'ampleur de la désillusion qui va suivre. Pour le président, l'idée, c'est de faire un genre de table rase de ce qui existe, de repartir sur de nouvelles bases, mais il a sous-estimé le poids des accords préexistants entre les Européens. Et lui, il arrive avec des idées neuves, certains diraient des idées simples, à charge ensuite à ceux qui vont, j'allais dire, sur le terrain, négocier les accords de paix, d'obtenir la transcription de ces grandes idées en acte. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que lorsque Wilson arrive à Paris, il est suivi d'une délégation de plusieurs centaines de personnes, beaucoup d'experts, des historiens, des techniciens, des juristes, qui vont être chargés de traduire en acte les pensées du président. Là aussi, je crois que c'est très symbolique de penser que la délégation américaine qui se rend en France est plus importante que la délégation britannique, ce qui est là aussi quelque chose de symbolique extrêmement fort. Je vous avais trouvé un petit texte. Jean-Michel Guieux. Qui était une bataille, en fait, au moment où on discute sur la Sarre, donc on est le 28 mars 1919, et Clémenceau a ses formules à l'égard du président Wilson, qui sont vraiment révélateurs de deux conceptions de la paix. Donc, comme le président Wilson s'oppose à l'annexion de la Sarre, Clémenceau dit « Le président des États-Unis méconnaît le fond de la nature humaine. Le fait de la guerre ne peut être oublié. L'Amérique n'a pas vu cette guerre de près pendant les trois premières années. Nous, pendant ce temps, nous avons perdu 1,5 million d'hommes. Nous n'avons plus de main-d'œuvre. Nos amis anglais, qui ont perdu moins que nous, mais assez pour avoir aussi beaucoup souffert, me comprendront. » Et il poursuit un petit peu en disant que voilà, vous cherchez à faire justice aux Allemands, ne croyez pas qu'ils nous pardonneront jamais, ils ne chercheront que l'occasion d'une revanche, rien ne détruira la rage de ceux qui ont voulu établir sur le monde leur domination et qui se sont crus si près de réussir. La neige tombait en abondance lorsque Monsieur et Madame Woodrow Wilson arrivèrent dans la cité martyre. Les ruines s'étaient drapées d'un linceul immaculé. Mais ce blanc manteau, loin de dérober les traces du crime, en accusait l'horreur et la désolation. Sur le parvis de la cathédrale violée, accueilli par le cardinal de Reims entouré de son clergé, le président et Madame Wilson parcoururent l'immense vaisseau gothique sous la sauvegarde des sapeurs du génie qui avaient édifié des contreforts pour permettre, en toute sécurité, l'examen des parties les plus dévastées. Des verrières intactes allumaient encore des feux de pourpre et d'or au centre des trumeaux recouverts d'un blanc duvet neigeux. Si d'aventure, après Reims, le président visitait le reste du front, son cœur comprendrait mieux le nôtre. Il ne croirait pas que nous avons des préjugés, des préventions, des doutes. Il sentirait que la barricade du côté allemand est pour nous une affaire de vie ou de mort. Des sécurités pratiques doivent nous être accordées. Celles de la Société des Nations constitueront un supplément utile. Le siècle, 28 janvier 1919. Alors, cette conférence de la paix, comment est-ce qu'elle est organisée pratiquement? Est-ce qu'il y a un agenda précis? Est-ce qu'en janvier 19, quand elle s'ouvre, on sait combien de temps elle doit durer? Et est-ce que Wilson lui-même a prévu de rester en France plusieurs mois? Alors, quand la conférence de la paix va s'ouvrir, finalement, il va y avoir une discussion sur l'ordre du jour. C'est-à-dire que Wilson va imposer que la question de la Société des Nations soit traitée en priorité. Ce sera le premier sujet de la conférence, alors que dans l'esprit des Français, ça devait être le dernier sujet, puisqu'on devait d'abord régler les affaires, je dirais, sérieuses, c'est-à-dire les garanties territoriales qui devaient apporter la sécurité de la France. En réalité, il faut voir qu'il s'agit finalement d'une conférence des préliminaires de paix, c'est-à-dire que les vainqueurs, de manière assez classique, doivent s'entendre entre eux pour définir les conditions de la paix qui seront ensuite présentées et discutées avec les vaincus. Donc c'est une conférence des préliminaires de paix qui n'a pas pour vocation de durer des semaines, mais qui en réalité va durer beaucoup trop longtemps et qui va se transformer en un véritable congrès de la paix, ce qui explique que les Allemands seront jusqu'au bout exclus de ces discussions. Parce que très rapidement, finalement, entre les alliés apparaissent des divergences qui sont extrêmement fortes entre les trois grands qui vont négocier la paix à partir de la fin mars 1919, c'est-à-dire Lloyd George le Britannique, Clemenceau le Français et Wilson l'Américain, en sachant que l'Italien Orlando va, au mois d'avril, quitter la conférence parce qu'il est mécontent du sort qui est réservé à l'Italie. Alors, les Français, l'opinion publique est laissée un petit peu à l'écart des discussions, parce que tout ça, évidemment, est une diplomatie de chancellerie confinée au sein des espaces de discussion. Donc, les discussions se passent souvent soit au Palais d'Orsay ou soit à l'Hôtel Crillon, notamment toute la commission de la Société des Nations va discuter à l'Hôtel Crillon où donc va loger la délégation américaine. Et donc, comme les discussions traînent en longueur et que le traité de Versailles n'est signé qu'à la fin du mois de juin 1919, eh bien, je dirais que l'opinion publique s'est progressivement désintéressée de ces négociations. Et il est vrai que la France, elle est face à bien d'autres problèmes. Le problème de la vie chère, de l'inflation, le problème évidemment du passage d'une économie de guerre à une économie de paix, le problème des réfugiés, le problème de la reconstruction. Et finalement, le wilsonisme va perdre de son intensité, notamment dans les milieux qui étaient les plus fervents wilsoniens. Il y a une certaine déception, dans le sens où on a l'impression que le président américain n'a pas pu mener son programme jusqu'à son terme. Wilson va quitter la France dès le jour de la signature du traité de Versailles, donc le 28 juin 1919. Il part en soirée, presque dans l'indifférence, hein, le décalage entre les fastes de l'arrivée et la modestie des cérémonies de départ est assez frappant. Il faut dire que c'est un homme, un chef d'État qui est resté hors de son pays pendant plusieurs mois, ce qui est inimaginable aujourd'hui, mais qui montre aussi l'importance qu'accordait Wilson à cette négociation de paix. C'est clair qu'on connaît les images là, de cette signature du 28 juin dans la Grande Galerie des Glaces, avec ses regards très sombres, l'arrivée des plénipotentiaires allemands. Donc ce n'est pas un moment de fête que le 28 juin. C'est la raison pour laquelle aussi on a un peu oublié cette date dans les commémorations, au profit du 11 novembre. C'est vrai que, au vu de ce qui a été accompli, parce qu'il y a quand même de grandes choses qui ont été accomplies, Le départ est extrêmement rapide et c'est frappant de voir le décalage entre l'accueil qu'il a reçu à son arrivée et ce départ un peu en catimini, d'un président qui n'est plus aussi attendu que cela. Deuxième enjeu, quand on se place non plus du côté européen mais du côté américain, c'est qu'évidemment une fois que on a abouti à un texte commun, encore faut-il que ce texte soit ratifié par le Sénat des États-Unis, puisque la Constitution est très claire sur la question. Ce n'est pas la signature du président qui vaut, c'est la ratification par le Sénat des États-Unis. Or, le contexte politique s'est dégradé pour le président entre son arrivée en France et son retour aux États-Unis. Et quand on fait un calcul arithmétique assez simple, on se rend compte que ça va être difficile de faire ratifier ce texte par les sénateurs. Donc ça explique aussi la nécessité du retour. Hein. Il n'a plus de raison objective de rester en France. Et il sait bien que s'il veut sauver la SDN, il va falloir, aux États-Unis, convaincre l'opinion, mais surtout convaincre ceux qui sont indécis au Sénat. Donc pour lui, l'enjeu, il est vraiment très américain, de faire en sorte de ne pas perdre tout ce qu'il a pu faire en ne faisant rien. Tandis que certains Français reprochent à M. Clémenceau d'avoir baissé pavillon devant le président Wilson, les doctrinaires américains accusent le président Wilson d'avoir fait à M. Clémenceau le sacrifice de son deal. Lisez, pour être édifié, un article de M. Walter Whale dans The New Republic du 7 juin qui vient d'arriver par le dernier paquebot. Il ne prend même plus la peine de critiquer le traité, étant entendu que ce traité est inique, déplorable, bon à jeter aux chiens. La Société des Nations, d'après lui, telle qu'on nous l'offre, est une institution réactionnaire. Tous les efforts de M. Whale vont à expliquer ce qu'il n'est pas loin d'appeler la déchéance morale du président Wilson. En d'autres termes, le président est un pauvre homme sans défense contre de rusés politiciens tels que Lloyd George et Clémenceau, dont l'un savait se faire tout offrir en ayant l'air de tout refuser, tandis que l'autre se bornait à trop bien savoir ce qu'il voulait. Ce qu'il y a de plaisant, c'est qu'en dépit de la télégraphie sans fil, le monde est resté provincial. Rentré chez soi, chacun juge le traité et ses auteurs à la bonne manière d'antan, qui consiste essentiellement à ignorer le point de vue du voisin. Le traité étant une œuvre collective, il est fatal que dans ces conditions, il scandalise les penseurs départementaux. Mais les chefs de gouvernement n'ont guère à s'en émouvoir. Le président Wilson moins que tout autre. On leur rendra justice le jour où l'opinion publique aura fini par se rejoindre par-dessus les océans et les frontières. Un diplomate, Le Siècle, 28 juin 1919. André Caspi. Au fond, le grand vainqueur de la guerre, ce sont les États-Unis. Ce qui est peut-être le symbole de cet accès des États-Unis au premier rang, c'est que jusqu'en 1919, les traités internationaux étaient rédigés en français. Le français, c'était la langue diplomatique. Eh bien, le traité de Versailles est bilingue. Il est rédigé en français. Et il est rédigé en anglais. Ce qui veut dire que désormais, c'est pas l'anglais de Sa Majesté qui compte, c'est l'anglais de Washington. Ça veut donc dire que les Américains sont en mesure de tenir la première place. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'en 1920, le Sénat des États-Unis refuse le traité de Versailles, il refuse d'entrer dans la Société des Nations. Wilson est malade et ne parvient pas à imposer sa volonté aux Américains. Et le résultat de tout cela, c'est qu'à partir de 1920, les États-Unis entrent dans une période d'isolationnisme dont ils ne sortiront que très péniblement à la fin des années 30 et surtout au début des années 40. Donc Wilson a perdu la partie, non pas en Europe, il a perdu la partie aux États-Unis. Si on élargit un peu à d'autres parties du monde, sur la scène internationale, le bilan est également contrasté, Karl Bouchard. Si dans un premier temps, on a accueilli Wilson comme celui qui allait changer le monde par la suite, le constat, c'est que le monde reste le même. Beaucoup de nationalistes, par exemple égyptiens, chinois, vont écrire à Wilson et puis, voyant que Wilson ne fait finalement rien pour les peuples colonisés, vont choisir la voie radicale et la voie de la violence et la voie de la révolution. Donc, ce désaveu, peu à peu, pousse dans une certaine mesure à des actions plus radicales et à un autre discours, en fait. Surtout qu'il y a place à un autre discours. On a à l'Est un modèle qu'on peut maintenant adopter. Qui est celui de Lénine. Exactement, exactement. Et puis, dans l'historiographie, on a souvent justement comparé ces deux figures. Ce sont, dans une certaine mesure, deux prophètes qui, au même moment, parlent, dans une certaine mesure, des mêmes choses. C'est le cas, par exemple, de Lénine, qui va parler de l'autodétermination des peuples avant Wilson. Et Arnaud Meyer a travaillé là-dessus dans les années 60, a bien montré que c'est Wilson, peu à peu, qui va adopter le discours de Lénine pour essayer de couper l'herbe sous le pied aux bolcheviks. Et, ironie de l'histoire, les deux hommes meurent à un mois d'intervalle en 1924. C'est un peu la fin d'une certaine promesse qui suit l'après-Première Guerre mondiale. Les Français, la paix et le président. Wilson à Paris, décembre 1918, juin 1919. Avec Hélène Arter, André Caspi, Karl Bouchard et Jean-Michel Guilleux. Lecture, Mélodie Auru et Guillaume Marquet. Prise de son, Bruno Mourlan et Alexandre Dang. Mixage, Jean-Michel Bernot. Un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury. Voilà pour cette série d'émissions consacrées à 1919, l'année de la paix, que vous pouvez bien entendu réécouter sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC, demain, histoire, actualité. Nous parlerons entre autres de la Chine de Mao, mais également d'autres sujets comme les Sound Studies.